Être de gauche quand j'étais jeune, c'était plus simple. Il suffisait d'écouter du Jean Ferrat et souhaiter que les pauvres soient moins pauvres. Il suffisait de porter des vestes en velours et d'être contre la guerre au Vietnam. Il suffisait de vouloir une semaine de congé supplémentaire et de préférer Michel Pollack à Guy Lux, Guy Bedos à Thierry Leluron. C'était plus simple. Enfin, c'était pas aussi simple qu'on le dit. On était quand même surpris de savoir que Dalida votait socialiste. Mais quand même, être de gauche, c'était défendre le droit des femmes, le droit à la contraception, à l'avortement. Aujourd'hui, remarquez que toutes celles et tous ceux qui se battent pour la liberté des femmes à porter le voile en France sont assez peu engagés pour défendre le droit de ne pas porter le voile en Iran. Vous me direz qu'en Iran, dans les manifestations, il y a peu de slogans pour défendre les femmes musulmanes qui veulent continuer à avoir la liberté de porter le voile en France. Ce serait sympa, notamment de la part des Iraniennes qui se font tuer pour une boucle apparente, de ne pas uniquement se polariser sur leurs petits problèmes en ignorant les femmes qui sont obligées de mettre un maillot de bain pour aller à la piscine municipale. Le monde est extrêmement compliqué. Est-ce que l'on est plus de gauche quand on défend la cause des femmes en soutenant une justice populaire mise en place par les instances des partis politiques ou quand on trouve que c'est difficile de juger sans savoir et que ce n'est surtout pas aux partis politiques de donner son avis sur la sphère privée, mais à la justice. Oui, j'ai écouté Elisabeth Badinter l'autre matin. Quand on pense que c'était une femme de gauche, alors que maintenant, elle est pour la justice, même pour les hommes. Évidemment, quand on regarde ce qui se passe en Italie, on peut s'inquiéter pour la France, parce qu'en France, ce n'est pas d'avoir au pouvoir une extrême droite qui apporte des solutions aux difficultés des Français qui risquent d'arriver, non. Mais c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir du fait d'une gauche divisée qui n'arrive pas à s'entendre entre elles. Et là, on ne risque rien parce que la gauche s'est réunie lors des dernières législatives afin d'avoir une parole cohérente. Tout est compliqué, tout est mélangé, on ne sait plus, même le nucléaire est devenu une énergie propre. Tout le monde vous le dira, à gauche comme à droite. Amusez-vous avec vos enfants, les mains dans le dos, vous leur dites « qu'est-ce que tu choisis, main gauche ou main droite ?»« Main droite, ah, perdu, c'est le réchauffement climatique. »« Ah non, papa, non, je me suis trompé, c'est main gauche que je voulais dire. »« Ah, perdu aussi, c'est des milliers de tonnes de déchets radioactifs. » Et ne me dis pas merci, Nathanaël, tout ça, c'est pour toi. Il ne faut plus penser en termes de gauche et de droite, les cartes sont mélangées, les dés sont pipés. C'est ce que me disait mon voisin qui continue à vouloir aller à Paris en voiture. Il m'a dit « la gauche à Paris, à mon avis, défend trop l'idée qu'avec moins, on peut faire plus. Il y a de moins en moins de voitures, mais de plus en plus d'embouteillages. » France Inter.